sur RGM. Il est un peu plus de 8h36, on parle anniversaire. Ils sont nés un 17 mai 1953, naissance de Gérard Kravzik, réalisateur et producteur français, à qui l'on doit Taxi 2, 3 et 4, Wasabi, Fanfan, La Tulipe ou encore L'Auberge Rouge. 1954, naissance de Jean-Marie Bigard, humoriste et acteur français, vu dans Chacun sa vie de Claude Lelouch, la série Le Dirlo dans le rôle de François Ragnaud ou encore RIS Police Scientifique. 1961, naissance d'Enya, chanteuse irlandaise. 1965, naissance de Paige Turco, actrice américaine, vue à la télévision dans La Force du Destin, La Vie à 5, Person of Interest et depuis 2014 dans Les 100 dans le rôle du docteur Abigail Griffin. 1966, naissance de Hill Harper, acteur américain, connu pour son rôle de Sheldon Hawks dans la série télé Manhattan, son rôle de Calder Michaels dans Cover Affairs, Limitless, Homeland ou encore le docteur Marcus Andrews de Good Doctor. Pardon. 1973, naissance de Sasha Alexander, actrice américaine vue dans Mission Impossible 3, Ce que pensent les hommes, la série télé Dawson dans la saison 4 dans le rôle de Gretchen Witter, NCIS Enquête Spéciale dans le rôle de l'agent Kathleen Todd, Risoli and Isles, c'est mieux, dans le rôle de Maura Isles ou encore Shameless. C'est également l'année de naissance de Gérald Dahan, humoriste, imitateur, animateur radio français, également acteur. On a pu le voir par exemple dans Plus belle la vie. 1974, naissance d'Andrea Corr, chanteuse irlandaise du groupe The Corrs. 1979, naissance de Max Boublil, humoriste, acteur français, vu dans La vérité si je mens 3 dans le rôle de Jonathan, Les gamins, Robin des Bois, la véritable histoire dans le rôle de Robin, Marum ou encore la série Sous le soleil. 1982, naissance de Tony Parker, basketteur français qui de 1999 à 2001 a joué au PSG Racing. De 2001 à 2018, il a joué avec les Spurs de San Antonio. Pendant le lockout en 2011, il a joué à Lyon-Villeurbanne et depuis cette saison, il joue pour les Charlotte Hornets. Il a remporté 4 titres de champion NBA avec les Spurs, a été sélectionné à 6 reprises pour le NBA All-Star Game qui récompense les meilleurs joueurs de la ligue, a été élu MVP des finales NBA en 2007. Il est le premier joueur français à avoir été sacré champion de NBA, également le premier joueur européen récompensé par un titre de MVP des finales. En équipe de France, il a remporté le titre européen en 2013, dont il a fini également meilleur joueur et meilleur marqueur avec 19 points de moyenne. Mais en 2011, il a fini meilleur marqueur avec 22 points de moyenne. Au cours de l'Euro 2015, Tipeee devient le meilleur marqueur, malheureusement titre qu'il a perdu 2 ans plus tard, et le meilleur passeur de l'histoire de la compétition continentale. Au championnat d'Europe, il compte en plus de la médaille d'or, une d'argent et 2 de bronze. Il est de par ses statistiques et son palmarès considéré à ce jour comme le meilleur basketteur français de tous les temps. Et à ce jour, il n'a toujours pas pris de décision quant au futur de sa carrière, à savoir s'il continue encore une saison, par exemple, avec les Charlotte Hornets, ce qui permettrait aux Français de le voir en janvier de l'année prochaine, puisque je vous le rappelle qu'il y aura un match de NBA à Paris en janvier de l'année prochaine avec notamment les Hornets de Charlotte. Allez, 1984, naissance de Passenger, auteur, compositeur, interprète britannique, connu pour le titre Let Go, dont on écoute tout de suite un petit extrait. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why. Everything you touch, you're... Voilà pour l'extrait de Passenger. Allez, on continue les anniversaires. 1985, naissance de Greg Van Avermaet, cycliste sur route belge professionnel depuis 2005, qui a remporté le classement par points du Tour d'Espagne en 2008, Tirreno-Adriatico en 2016, Paris-Roubaix en 2017. Il a porté le maillot jaune sur le Tour de France en 2016 et 2018, et lors des JO de 2016, il a remporté la médaille d'or de la course en ligne. 1987, naissance d'Edvald Boasenhagen, cycliste norvégien, champion de Norvège du contre-la-montre 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017 et 2018. Champion de Norvège sur route en 2012, 2015 et 2016. Il a remporté 4 étapes de grand tour, 3 sur le Tour de France et 1 sur le Tour d'Italie. 1988, naissance de Nikki Reed, actrice américaine connue pour son rôle de Rosalie Hall dans la saga Twilight et vue dans la série Sleepy Hollow durant la saison 3 dans le rôle de Betsy Ross. 1990, naissance de Levin Rambin, actrice américaine vue dans Hunger Games dans le rôle de Glimmer, Percy Jackson, la mère des monstres, dans le rôle de Clarisse Larue, la fille d'Arès, à la télévision dans La Force du Destin dans les rôles d'Ava Benton et Lily Montgomery, Terminator, les chroniques de Sarah Connor, Grey's Anatomy et Private Practice dans le rôle de Sloane Riley, la fille de Mark Sloan, dans Les Frères Scott, et depuis 2017 elle joue dans la série Gone le rôle de Kit Lanigan. 1991, naissance de Johanna Konta, joueuse de tennis britannique professionnelle depuis 2008. Meilleur classement WTA, la 4e place atteinte en 2017. Demi-finaliste à l'Open d'Australie et Wimbledon. 8e de finaliste à l'US Open et 64e de finaliste à Roland-Garros. Et à noter qu'en 2012, on apprenait le décès de Donna Summer, chanteuse américaine qu'on écoutera en fin d'émission. Mais tout de suite, on écoute le groupe The Corrs avec leur titre Runaway. There's nothing like me and you. I'm not alone. Tell me you feel it too. And I would run away. I would run away. Yeah, yeah. I would run away. I would run away. I've fallen in love. le groupe The Corrs sur le 107 FM. Il est presque 8h47 et bien on parle météo. La météo. Alors aujourd'hui, ce sera encore une journée ensoleillée avec quelques petits nuages et attention, la pluie sera de retour en fin d'après-midi. Des températures comprises entre 8 et 9 degrés ce matin, entre 17 et 18 degrés pour cet après-midi. Et la pluie ne va pas nous quitter du week-end avec pour samedi des températures comprises entre 9 et 10 degrés le matin, entre 17 et 18 degrés prévus pour demain après-midi. Et dimanche, des températures comprises entre 10 et 11 degrés le matin, entre 15 et 16 degrés prévus pour dimanche après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et on commence avec le cyclisme et les résultats du Giro et la victoire de Masdana hier. Et le premier français, c'est Nance Peters qui s'est classé eh bien, 8e. Allez, on parle maintenant hockey sur glace avec les championnats du monde et la France qui s'est inclinée hier face au Canada. 5-2 avec des buts signés Damien Fleury et Anthony Rec. À noter que c'est le gardien de but français Henri Corentin-Buis qui a été sacré meilleur joueur de la rencontre. C'était son premier match dans un mondial. Dans les autres résultats, la Suède s'est imposée 9-1 face à l'Autriche. La Finlande s'est imposée 3-1 face au Danemark et la République tchèque s'est imposée 6-3 face à la Lettonie. Aujourd'hui, pour l'équipe de France, il faudra affronter la Slovaquie. Un match à 16h15. Je cherche les autres rencontres pour ce week-end pour la France. Il y aura dimanche à 20h15 un France-Finlande. À noter que le match décisif pour le maintien devrait se jouer lundi après-midi pour l'équipe de France face à la Grande-Bretagne. Un petit mot des playoffs de NHL puisque avec la victoire cette nuit de l'équipe de Boston, eh bien on connaît le premier finaliste puisque Boston remporte sa demi-finale 4-0 face aux Hurricanes de Caroline. Allez, un mot de tennis avec le tournoi de Rome. Alors c'était un petit peu compliqué de tout suivre hier puisqu'il y a eu des doubles rencontres à cause de la journée de mercredi où il n'y a pas eu de match. À noter donc que Rafael Nadal a tout d'abord éliminé Jérémy Chardy avant de se qualifier face à Basilashvili. A noter la qualification également de Roger Federer, de Novak Djokovic, de Juan Martín Del Potro, de Tsitsipas qui a éliminé Fabio Fognini, la qualification de Kei Nishikori et à noter les éliminations de Dominic Thiem ou encore de Marin Cilic et Nick Kyrgios. Encore fait parler de lui puisqu'il s'est emporté après avoir été pénalisé. Il a donc abandonner le match, ce qui pourrait avoir bien pour incidence une amende, mais également une suspension. Alors, à quelques semaines de Roland-Garros, c'est pas vraiment... Ouais, enfin, en tout cas, c'est Nick Kyrgios, hein, on commence à le connaître. Alors, au programme d'aujourd'hui, Rafael Nadal affrontera Verdasco, Roger Federer sera opposé à Tsitsipas, Djokovic à Del Potro et Nishikori à Schwartzman. Alors, côté féminin, à noter l'abandon d'Alizé Cornet. Alors, à quelques semaines de Roland-Garros, c'est pas forcément bon signe non plus. Kristina Mladenovic, elle, s'est qualifiée. À noter la qualification également de Osaka, l'abandon de Kvitova, la qualification de Bertens et les éliminations de Venus Williams, de Simona Halep ou encore de Keys ou encore Stevens. Aujourd'hui, Mladenovic affrontera Sakkari, Osaka sera opposée à Bertens, Konta à Vondrousova et Pliskova à Azarenka. Un mot de football avec la Ligue 1 samedi. Tout le monde va jouer. Bordeaux, Reims, Guingamp, Nîmes, Lille, Angers, Lyon, Caen, Monaco, Amiens, Montpellier, Nantes, PSG, Dijon, Saint-Etienne, Nice, Strasbourg, Rennes et Toulouse, Marseille. En Ligue 2 ce soir, Nancy se déplace à Béziers et Metz reçoit Brest. Brest. Samedi, en National 2, Épinal recevra Fény et en National 3, Raon-l'Étape affrontera Thaon-les-Vosges. On termine avec du basket en NBA. Deuxième victoire consécutive pour les Golden State Warriors face à Portland, 114 à 111, 37 points pour Stephen Curry. Et du côté de chez nous, en Pro B, ce soir, Nancy se déplace à Évreux. Avant de marquer une dernière pause musicale, on va parler des événements ce week-end. Et il y en a deux. C'est le Nouvel An Boucrave et Journée Bien-être. Ce week-end, retrouvez le Nouvel An Boucrave, donc un petit espace de Boucravie, un petit pays donc des Balkans qui vous invite à faire la fête donc le samedi soir et le dimanche, c'est à Vigy près de Metz, pour retrouver un tas d'artistes lorrains super sympathiques et avec plein de petits événements familiaux. Vous pouvez emporter vos enfants avec vous et voilà, donc faire la fête, je vous conseille vivement cet événement. Merci à Camille pour nous présenter ce Nouvel An Boucrave et maintenant on écoute Chris qui nous parle donc des Journées Bien-être. Venez vous détendre les 18 et 19 mai 2019 à partir de 10h lors des Journées Bien-être Grandeur Nature sur le site et abri de l'étang L'Allemand 88-240 Les Voivres. Venez en famille et passez au vert. Découvrez dans un lieu enchanteur des pratiques où l'on se sent en harmonie avec soi, avec les autres, avec l'environnement. Lors de ces journées, il y aura des conférences, des ateliers, des balades et bien plus encore. Une tombola est également mise en place dans laquelle de nombreux cadeaux sont à gagner. Venez sur réservation au 06 82 27 45 02. Il y a également possibilité de prendre un repas terroir et bien-être au prix de 10 euros. Ne manquez pas cet événement. Et voilà donc pour les Journées Bien-être. Allez, tout de suite, on écoute notre dernière pause musicale pour aujourd'hui. Et c'est Donna Summer avec le titre, le tube, Let's Dance. Let's dance. Mais voilà, j'étais à fond dedans, excusez-moi. C'était Donna Summer sur RGM, un peu plus de 8h57. Et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un petit point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. À 9h, ce sera Ours et Carottes. À 11h, Mille et une histoires du tatouage avec Alexandre. Midi, la bulle de l'IA. 13h30, la rediffusion des secrets de Mathilde. 14h, rediffusion de J'aime et je vous le lis. 15h, Just Time de Radio Déclic. 17h30, la rediffusion de Mille et une histoires du tatouage. Et à 21h, ce sera peut-être Vivre et créer à la montagne avec Vincent. Et nous, on se retrouve lundi matin, même heure, même endroit. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end, même si malheureusement, la météo ne sera pas très folichon pour ce week-end. Allez, ciao, bye bye.